Bonjour. Par rapport aux deux petites sorties là, que j'ai faites, je voudrais pas que ce soit mésinterprété. Mais l'affaire, c'est que là, en plus, les gens dont nous parlons nous citent les Écritures, puis ils disent, ben, à la fin, ça va être comme au temps de Noé, puis il va y avoir des. Bon, on connaît le texte là, qui dit qu'il va y avoir des méchants et des méchants et des moqueurs. Mais l'affaire, c'est que là, c'est comme ça implicitement, là, c'est se comparer à un patriarche biblique, là, comme Noé. Donc, bon, moi, ce que j'ai de la misère avec les ésotéristes, ils vont citer les Écritures au niveau de ce qui fait leur affaire. Donc, bon, là, moi, je considère ça un petit peu comme de l'orgueil spirituel de se comparer à un patriarche biblique qui va se faire railler, puis bon. Puis aussi l'affaire de citer les Écritures. Moi, je peux le faire, citer les Écritures. Pourquoi? Parce que ça résume par rapport à pourquoi je dis de rester solide, puis de rester, de pas être impressionnable. Donc, dans Matthieu 24, 24, je vais enlever mes lunettes. Il dit quoi? Alors, si quelqu'un vous dit, voici, le Christ est venu, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Donc, on a été prévenu de des grands signes et des prodiges. Des grands signes, habituellement, c'est des choses dans le ciel. Si on regarde tous les vieux textes qui nous ont prévenus de ces événements-là. Donc, oui. Je veux dire, c'est pas assez clair, dans le sens que non, ça m'impressionne pas l'histoire que ça va être des bons. Puis aussi, possiblement, ça va coïncider, il est question des événements comme, bon, en même temps coïncider, entre autres, des événements comme des rumeurs de guerre, des tremblements de terre, des choses comme ça. Puis de pas se laisser impressionner, puis c'est bien écrit, n'en croyez rien. De pas croire, au fond, ce qui nous ramène à Bernard. Puis Bernard, il avait averti, il avait dit, ils vont même se servir de l'image de la Vierge, comme à Fatima. Puis là, on risque d'avoir justement à la fois des secoupistes fanatisés qui vont se mettre à capoter, mais aussi des croyants fanatisés qui vont se mettre à capoter, puis qui vont croire que c'est des affaires divines, alors que c'est des prodiges. C'est des prodiges faits par des forces qu'on connaît depuis longtemps et dont le temps d'autorité, qui était, si on peut dire, lié à une forme de légalité, si on peut dire, achève. Et qu'il y a peu de temps, possiblement. Donc, oui, je m'attends à des grands prodiges, possiblement des choses extrêmement impressionnantes pour fasciner les masses puis les perdre, au fond. Moi, ce que je dis, c'est de pas se laisser impressionner, de rester peu impressionnable, puis de pas embarquer dans rien de tout ça. Comme quand il dit n'en croyez rien. Donc, c'est le Christ lui-même qui dit de pas croire. Puis que même les élus pourraient être, bon, pourraient se faire avoir. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Puis l'affaire, oui, il y a des méchants, puis des moqueurs. Puis, oui, comme au temps de Noé. Oui, ça ressemble. Sauf que là, à un moment donné, c'est parce que si on regarde d'une façon avec un certain pas de recul par rapport à ce qui a été écrit pour vrai, puis qu'on ne commence pas à sélectionner juste ce qui fait notre affaire, ben c'est un tout autre tableau qui se brosse. Donc, faire extrêmement attention. Moi, ce que je dis, c'est d'être extrêmement prudent puis de ne pas partir en peur. Pas partir en peur, peu importe ce qui arrive à la date qu'eux autres ils disent. Parce que, oui, on a la même date. Il y a plusieurs gangs, on a toutes la même date, mais on interprète différemment. Ça va être quoi la nature de ce qui va se passer? Donc, bon, c'est certain qu'il y a des gens qui vont se faire perdre là-dedans. Le COVID, c'était un petit peu un test. Un petit test pendant 2 ans, c'est un petit test. Là, il y a d'autres tests qui s'en viennent. Puis, possiblement qu'en janvier 2023, on va avoir droit à un autre test, puis que là, ça va ratisser plus large. Il y en a encore plus qui vont se faire avoir. Puis plus qu'on va avancer dans le temps, plus que les tests vont être sélectifs d'une façon violente, de plus en plus violente, possiblement. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour clarifier ça. Bonne journée.